secteur, ouais. C'est ces chaînes qui traînent, qui calment nos ardeurs. C'est triste, car dans nos rues radioactives, l'amour est foire facultatif, il se moyenne avec quelques spliffs dans un hall ou dans une voiture. Et quand on y repense, on se dit que c'est une drôle d'aventure. Nous on est loin d'être des mecs mortels, nous on rêve de faire taper Nina ou Lee Campbell. Assis sur une poubelle au cartel, on moyenne une belle demoiselle pour l'amener à l'hôtel. Ça peut paraître cruel, mais dans nos ruelles c'est ça. Si on est cool dans des emails, c'est pour péter le karma. Moi je crois que l'amour s'est pendu, aujourd'hui c'est une vertu rare dans nos rêves. Simplement et qu'on vive sainement, tout comme l'ont fait nos parents.